France Musique. Orchestre de 42e rue dirigé par Thierry Boulanger, et vous l'avez reconnu forcément, I Got Rhythm, extrait de Un Américain à Paris, cette comédie musicale qui est de retour justement à Paris depuis le week-end dernier et que vous pouvez, que vous devez, si vous le pouvez, admirer au théâtre du Châtelet avec de magnifiques chorégraphies. Alors voici pour débuter une première avant-première, une comédie musicale qu'on n'a jamais vue en France en plus, qui date des années 50. Elle se déroule dans une usine de pyjama en grève. Et les employés exigent une augmentation de salaire de 7,5 cents. Et comme on est dans une comédie musicale, évidemment, ils l'obtiendront. Alors vous ajoutez... c'est pas de moi, c'est de Jean Lacornerie qui a écrit le texte de cette présentation, et je trouve ça très drôle. Ajoutez une histoire d'amour entre le nouveau chef de service et une syndicaliste, et vous obtenez une comédie musicale détonnante où, en gros, la jeune femme ne veut pas se laisser embobiner par un cadre. The Pajama Game, c'est le titre de cette comédie musicale, est montée pour la première fois en France. C'est au théâtre de la Croix-Rousse, à Lyon. Dalia Constantin est la syndicaliste féroce, et Vincent Eden est le contremaître qui en pince pour elle. Vous allez le constater, il lui reproche de toujours botter en touche lorsqu'ils sont ensemble, de se contenter en gros de parler de la pluie et du beau temps, mais même quand ils passent la nuit ensemble, elle essaye de lui extorquer une augmentation. C'est une bonne syndicaliste. Pour l'heure, ils sont d'une humeur tendre. Vous avez des oignons ? Qu'est-ce que vous voulez faire avec des oignons ? Je vais devenir fou dans 3 minutes. Je vais faire des sandwichs. I don't wanna talk small talk. Ça vous plaît ici ? Now that I'm alone with you, I just wanna talk small talk. Vous aimez les anchois? We've got bigger things to do. Rendez-vous utile, passez-moi le fouet au moins. Let's not talk of the weather or the fashions for the fall. Why don't you stop all this small talk? I've got something better for your lips to do, and that takes more talk. Adore. I gotta buy me a dressy dress. The one that I have is such a mess. Small talk. Who will you vote for next election? How do you like the stamp collection? Small talk. Read in a book the other day that Harlem is turning early May. Horses win and donkeys win. Furthermore, the pygmy tribes in Africa may have a war. No. Yeah. I don't wanna have small talk. What do you talk. Think they charge for ham now? Now that I'm alone with you, not so a buck ain't worth a jam now. I don't wanna talk small when the winters talk. Are getting milder. We've got bigger things to do, and that the teenage kids are wilder. There's no talk of the weather. One of these days I'll paint the kitchen. Oh, the fashions for the fall. Get older and you might switch it. Why don't you stop all this small talk? Like I was saying, I've got something better. I mean it for your lips. Je suis allé dans la chambre, j'ai ramassé une paire de chaussettes qui traînaient. Je suis passé dans la salle de bain me brosser les dents, j'ai changé les oreillers et je suis revenu dans la cuisine. Voilà votre café. Chérie. Il faut qu'on parle. De quoi ? Nous sommes partis pour avoir beaucoup d'ennuis. Pourquoi donc ? Il y a un obstacle entre nous. Qui ? Personne. 7,5 cents. Ça ? Non, cette augmentation, c'est essentiel. Vous auriez dû y penser plus tôt. Arrêtez. Écoutez, je ne sais pas pourquoi le syndicat a tant d'importance pour moi, mais c'est un fait. Quoi qu'il y ait entre nous, Sid, je me battrai pour mon camp et je me battrai jusqu'au bout. Elle se tenait dans l'encadrement de la porte, avec la tasse de café. Une des bretelles de sa combinaison avait glissé. Elle était belle, belle. Elle a posé la tasse de café et a commencé à retirer ses épingles à cheveux avec son fameux sourire. Qu'est-ce que vous regardez ? Buvez votre café et venez par là. I don't wanna talk small talk. I've got something better for your lips to do. Merci beaucoup Vincent Eden. Merci beaucoup Dalia Constantin. Et maintenant, voici un homme spécialement venu ce soir pour nous, pour vous. Il s'appelle Marc Nadler. Et on peut le dire, c'est le titre de la chanson « He's the top ». That word's poetic, I'm so pathetic that I always have found it best. Instead of getting them off my chest, I let them rest. Unexpressed, I hate parading my serenading, cause I'll probably miss a bar. But if this ditty is not so pretty, at least it'll tell you how great you are. You're the top. You're the Colosseum, you're the top. You're the Louvre Museum, you're a melody from a symphony by Strauss. You're a Mendelssohn and a Shakespeare sonnet, you're a Mickey Mouse. You're the Nile, you're the Tower of Pisa. You're the smile of the Mona Lisa. I'm just in the way, a total wreck, a flop. But if, baby, I'm the bottom, you're the top. You're the top. You're the hot with candy. You're the top. You're Napoleon Brandy. You're the internet of the field. Fred Astaire, you're a no-nil drama, you're Whistler's mama, you're Camembert, you're sublime, you're a turkey dinner, you're the type of the Derby winner. I just get away, as the French would say, Detroit, but if baby, I'm the bottom, you're the top. 42e rue fait son show sur France Musique. Laurent Vallière. On reste dans les années folles et ces rythmes fous, les rythmes syncopés d'Amérique qui se répandent à cette époque-là comme une traînée de poudre en France, avec une opérette aussi qui se modernise. Voici par exemple une opérette jazzy de 1928 qui a été créée spécialement pour Arletty par Albert Wilmette, qu'on peut considérer comme l'artisan du renouveau de l'opérette, et Maurice Yvain pour la musique. Ça s'intitule Yes, cette comédie musicale, c'est l'exemple type de l'opérette drôle et absurde. Un fils de bourgeois décide de contracter un mariage blanc avec sa manucure prolétaire afin d'épouser une riche héritière chilienne que son père lui destine. Donc vous l'avez compris, on parle beaucoup de lutte des classes finalement ce soir. Amour, jalousie, lutte des classes. Ce soir, la soprano Clarisse Dahl incarne Tot, cette manucure très simple d'esprit mais aussi très terrestre. Il faut savoir que cette partition a été composée au départ pour deux pianos, mais notre directeur musical Thierry Boulanger l'a orchestrée pour l'orchestre de 42e rue. Je ne me doutais guère quand je suis partie pour l'Angleterre, en sachant seulement dire yes tout simplement, à quel point j'étais téméraire. Assez fou ce que ce mot peut être. Dangereux, sournois, perfide, traître. Ce petit oui étranger et si doux, si léger, qu'il paraît sans aucun danger. Il ne faut pas s'y fier car on est stupéfié de voir tout ce qu'il peut signifier. C'est un mot tout petit mais par lequel on dit qu'on acquiesce. Yes, c'est un mot si gentil qui entraîne à toutes les devant le régisseur, sans amour et sans peur, je m'amène à 3 heures. Et sachant que c'est pour rire que l'on va nous unir, j'ai dit yes, yes, yes. De retour dans l'auto, votre main prend ma main, je la laisse. Grimpant sous mon manteau, elle voyage et prend de la hardiesse. Clarisse Dahl. Je vous ai promis qu'on allait fêter des anniversaires ce soir. On se replonge le 10 avril 1979 au Palais des Congrès. Une comédie musicale futuriste allait révolutionner le genre. Au départ, une idée de Michel Berger, inspirée de l'enlèvement d'une riche petite fille d'une milliardaire des médias, Patricia Hearst. qui avait pris fait et cause pour ces kidnappeurs. Michel Berger demande à Luc Plamondon d'écrire le livret et les paroles de cette comédie musicale parce qu'il dit dans les interviews qu'il trouve que son écriture est peut-être à lui, Michel Berger, trop gentillette. Et Luc Plamondon accouche d'un monde qui, il faut bien le dire, n'a pas pris une ride, qui anticipe nos mondes actuels, la collusion entre les médias et les hommes politiques, avec un radio-crochet type The Voice, des bandes d'anarchistes qui veulent prendre le pouvoir, ou plutôt rendre le pouvoir au peuple. Vous l'avez deviné, cette comédie musicale s'intitule Starmania, et j'ai le plaisir de recevoir ce soir son auteur Luc Plamondon et le futur metteur en scène de Starmania, Thomas Joly. Je vous laisse vous asseoir, parce que pour débuter, pour fêter cet anniversaire, Luc Plamondon, nous avons demandé à une jeune actrice que nous adorons, à la 42e rue, d'interpréter une des chansons phares du spectacle. Alors prenez place, ce soir, Sarah Maness interprète Le Monde est Stone avec une orchestration signée Thierry Boulanger. Plutôt ma part Sarah Maness. Le monde est Stone en direct sur France Musique. Et Luc Plamondon qui lui fait une tendre bise. Luc Plamondon, je vous avais reçu il y a 2 ans, je crois, sur la 42e rue. Et vous m'aviez dit, oui, non, mais Starmania, oui, mais non, moi, je veux le bon metteur en scène. Alors, qu'est-ce qu'il a de plus, Thomas Joly? Thomas Joly qui, jusqu'à présent, mettait en scène des pièces de théâtre. On se rappelle de son Henri VI de 18h au Festival d'Avignon. On se rappelle aussi de ses opéras ou de son Fantasio très mélancolique à l'Opéra Comique. Mais qu'est-ce que vous aimez dans ce que vous a proposé Thomas Joly? C'est un vrai metteur en scène qui imagine et qui fait des choses avec rien. Puis tout d'un coup, ça devient grand. Et bon, mais surtout aussi comment il traite les personnages. Hein, je pense qu'avec Starmania, on va avoir une théâtralité qu'on n'a jamais eue. Et qu'il va faire ses preuves. J'ai hâte au comment il va traiter les 8 personnages de Starmania. C'est sa direction d'acteur qui m'a beaucoup atteint. Alors Thomas Joly, pourquoi évidemment Starmania? Qu'est-ce qui vous plaît, puisque apparemment ça fait, c'est pas nouveau que vous voulez le mettre en scène? Alors bon, non, mais alors en fait c'est le genre de projet auquel je n'ose même pas rêver. De peur, en me disant de toute façon ça ne m'arrivera jamais, comme ça du coup je suis pas déçu. C'est un peu comme la Cour d'honneur ou l'Opéra de Paris. Ce sont des choses qui me sont tombées dessus, j'y pensais même pas. J'ai écouté Starmania depuis que je suis tout petit. J'étais pas né moi hein, quand Starmania a été créé, mais mes parents avaient l'album. Et d'ailleurs c'est marrant parce qu'il y a une génération, les parents sont très responsables pour notre génération, parce que Sidi Larbi Cherkaoui qui va signer les chorégraphies, c'est exactement la même histoire, c'est ses parents qui écoutaient Starmania. Donc moi j'ai grandi avec Starmania, je pense que ça me plaisait quand j'étais petit parce que j'entendais derrière les chansons l'histoire qui était racontée, et que je trouve que c'est une œuvre, bon évidemment majeure, vous avez rappelé le côté visionnaire de cette œuvre là en introduction, mais au-delà de ça, il y a ce sous-titre qui est même plus qu'un sous-titre, qui est presque un genre que peut-être Michel Berger et Luc Plamondon ont imposé, ni si ce n'est inventé, qui est l'opéra rock. Alors on a parlé effectivement de ce que j'ai fait de la mise en scène d'opéra, mais là pour moi on rejoint vraiment la théâtralité, la musique, et je vais essayer de donner, parce que c'est aussi une chose importante, c'est que c'est cette nouvelle production, c'est la première après l'an 2000. Et vous savez que dans l'histoire, l'an 2000 paraît pour les personnages comme une espèce de crainte, une espèce de date butoir comme ça, et donc ça y est, on a passé l'an 2000, donc qu'en est-il de la mélancolie du monde à venir à suivre? Eh bien, on a vraiment hâte. Le spectacle ouvre donc en septembre 2020. Merci beaucoup, Luc Plamondon et Thomas Joly, d'être venus ce soir sur la 42e rue. On enchaîne avec, franchement, l'hymne de la comédie musicale. Je me demande même si vous, il faut que je vous le nomme. Alors, je vous nommerai surtout les musiciens, le Magnifica Quintet, Thierry Chauvet aux percussions, Thierry Boulanger au piano, et c'est évidemment Isabelle Georges, avant son grand concert au Théâtre des Champs-Élysées, qui a décidé d'interpréter cet hymne de la comédie musicale. A clown with his pants falling down, or the dance that's a dream of romance, or the scene where the villain is mean, that's entertainment. The lights on the lady in tights, or the bride with a guy on her side, or the you see on the screen. A swain getting slain for the love of a queen. Some great Shakespearean scene where a ghost and a prince meet, and everybody ends in midst of the gag. Maybe waving the flag that began with a mystical hand heave hooray. The American way. The world is a stage. The stage is a world. The world is a stage. The stage is a world of entertainment. Deuxième rue fait son show. La collection 2020 de la comédie musicale sur France Musique et francemusique.fr. Laurent Vallière. Et c'est là qu'il faut vraiment vous brancher sur francemusique.fr pour avoir la possibilité de voir la magnifique tenue de fête, très beau costume noir avec une très très belle fleur à la boutonnière d'Isabelle Georges, accompagnée par le Magnificat Quintet. Vous êtes en direct sur France Musique. Nous faisons la fête de la comédie musicale. On retrouvera tout à l'heure Isabelle Georges. Vous verrez dans un autre moment inédit, en hommage à Michel Legrand. Mais d'abord, vous dire que la 42e rue fait son show, c'est certes un grand nombre de classiques de Broadway, un grand nombre de classiques d'opérettes françaises, mais aussi, vous allez le voir, beaucoup de créations qui ont eu lieu en France cette année que nous avons beaucoup aimées. Et c'est pour ça que j'accueille aujourd'hui Sophie Deschamps, la présidente de la SACD, la Société des auteurs compositeurs dramatiques. Bonjour Sophie. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Bon, on peut dire que le théâtre musical, c'est un répertoire qui tient au cœur de la SACD. Plus que ça. C'est-à-dire que la SACD est née comme Starmania dans les années 70, mais deux siècles avant. C'est-à-dire que c'est M. de Beaumarchais qui a fait la SACD et c'était la Société des auteurs de théâtre et des auteurs d'opéra. Donc vous pensez bien que l'opéra, la comédie musicale, l'opérette et tout ça, c'est au cœur des répertoires de la SACD. C'est une joie inouïe. Donc c'est extrêmement important. C'est pour ça qu'on soutient la soirée. Alors, des créations, j'en ai vu, en tout cas, également au Festival d'Avignon. Mais oui, une opérette au Festival d'Avignon, carrément créée par son directeur, Olivier Py. Ça s'intitule « L'amour vainqueur ». Je vous propose de découvrir cette œuvre, puisque les quatre acteurs sont sur scène aujourd'hui sur la 42e rue de France Musique. Voici par ordre d'entrée en scène le prince défiguré, c'est Pierre Lebon. La princesse emmurée, la soprano Clémentine Bourgoin. Le jardinier aux yeux clairs qui va la délivrer, Flanan Aubé. Et également celui qui joue le rôle du méchant, Anthony Sikopoulos, le terrible général qui déteste leur amour. Anthony Sikopoulos qui est également au piano et qui incarne également le roi qui emprisonne sa fille. La pièce s'intitule « L'amour vainqueur » et nous vous en proposons un avant-goût en direct sur France Musique. Ma fille morte, hélas, et voici une tour où elle est enfermée dans l'oubli et la nuit. Tu peux toujours chanter aussi fort que tu veux, ta fiancée n'entend plus le doux son de ta voix. Je ne veux pas d'un monde où elle ne serait pas. J'irai la retrouver dans le fond des enfers et ma tête coupée chantera pour toujours. Il est entre nous une chose immortelle qui arrête le temps et fait pâlir le ciel. L'amour est entre nous un être indéchirable. Il connaît des secrets, le sens indispensable. Nous lui appartenons. Mais il est notre enfant, et de désespérer, c'est lui qui nous défend. Moi je sais que demain nous irons solennels, ivre de vin nouveau, chanter son éternel. Retrouver le chemin qui réunit nos âmes, et murmurer son nom. Aujourd'hui que le temps est plein d'incertitudes, notre amour est inscrit dans les murs. trois longs jours que je creuse, j'ai enfin réussi à percer ces murailles. Vous êtes délivré. Venez respirer l'air. Le pays est détruit et le jardin brûlé. En moi, autour de moi et devant moi, la mort. En nous, autour de nous et devant nous, la vie. Tout revit à l'envi, le printemps qui s'étend nous délivre et veut vivre au matin du destin. Tout s'endort dans la mort et l'hiver se resserre près des âmes où les flammes chantent et pleurent à son heure. Tout revit à l'envi, le printemps qui s'étend nous délivre et veut vivre au matin du destin. Tout s'envole et s'affole et l'été en beauté au soleil s'émerveille de l'odeur du bonheur. L'existence de l'homme est parsemée de deuil, mais moi j'ai vu l'enfer. Et je l'ai trouvé beau. Quelle que soit la saison, nous vivons sans raison. Dans la nuit, nous tombons comme dans l'aquabon. De la douleur du vivre, la mort seule vous délivre. Le vide ouvre béant sur le complet néant. Les anges exilés ne peuvent consoler. Et Dieu, dans son absence, dit qu'il n'est pas de sens. La mort appelle l'équipage qui guide mon dernier voyage. Je pars serein et sans bagage. J'ai trop joué mon personnage. Il est temps de tourner la page et de laisser sur ce rivage. Les pollens du possible. Avec nous chanter tous en cœur, l'amour sera toujours vainqueur de la tristesse et du malheur. L'amour sera toujours vainqueur du mal, du temps et de la peur. L'amour sera toujours vainqueur. Il faut n'écouter que son cœur. L'amour sera toujours vainqueur. L'amour sera toujours vainqueur. Vainqueur. L'amour vainqueur d'Olivier Py, créé au Festival d'Avignon. Autre coup de cœur, ça s'appelle Égosystème, le musée de votre existence. C'est l'histoire d'Alban, un trentenaire célibataire en pleine crise existentielle. En gros, c'est le numéro 2 d'un cabinet d'architectes, mais son patron tire toute la couverture à lui et il est au bord du burn-out. Cette comédie musicale est signée Raphaël Calandro. Elle a été créée cet été au Festival OFF d'Avignon. Je vous demande d'accueillir Julie Costanza, Sophie Kaufmann, Adrien Biri-Vicente et Vincent Gilleron. Voici exactement le moment où la pièce bascule. On est dans une soirée arrosée et des amis font goûter à Alban un space cake qui va le faire partir pour son pays des merveilles à lui, le musée de son existence. Un moment chorégraphié par Johan Nuss. J'oubliais, la pièce est entièrement a cappella, donc tout est fait à la voix, même la musique dans la soirée. Oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh Es-tu dans le néant professionnel et amoureux à cause de la flip que t'inspire le monde, ou est-ce que le monde te fait flipper parce que t'es dans le néant professionnel et amoureux, hein? Non, mais je vais te dire, ma façon de voir, ça ne doit pas être angoissé dans cette civilisation qui s'effondre et qui détruit tout avec elle. Non mais c'est quoi cette manie de toujours vouloir trouver une explication psychologique à la peur qu'inspire le monde? Ça va, mon poulet? J'ai la tête qui tourne. C'est censé faire ça, votre space cake, là? T'as bien mélangé, Camo? Je me sens vraiment bizarre. Je me demande si j'ai bien mélangé, en fait. Hein? Attends, j'ai fait fondre le shit avec le beurre, j'ai mis le truc dans la préparation, j'ai mis au four. Non. Ah, j'ai pas mélangé. Oh, c'est ça! C'est pour ça que ça fait pas effet! Sauf pour le morceau dans le coin. Ton morceau, quoi, ouais. J'ai l'impression que mon corps m'abandonne. C'est normal. Cerveau de mon corps. Elle a raison, mon poulet, faut pas lutter. Moins tu résistes et plus ça ira. Ferme les yeux, repose-toi. Bon voyage. Laisse-toi partir, accepte tes voyages. Tu nous ramèneras des souvenirs. Ah, t'es bête. Laisse-le. Angoisse. Terrorisme. Réchauffement climatique. Parcours professionnel. Angoisse. Mon corps est lancé dans un champ de rosaces. J'ai perdu pied, je plane dans un ciel dont j'explore tous les gars. Et dans mes pupilles, des voix qui scintillent. Et sur mes tympans, le pleu. Qui s'écoule dans ses plaies et s'enroule sur lui-même à l'infini. Des chromatismes décalés qui m'emportent en ses bras. Là, sur ma peau, s'appelle Julie Costanza, Sophie Kaufmann, Adrien Biri-Vicente et Vincent Gilieron, les acteurs de Écosystème. Nouveau coup de cœur de 42e rue fait son show. Alors là, on va carrément dans les écoles. C'est une création de 18 jeunes étudiants de la première promotion de la classe libre de comédie musicale du cours Florent, créée en partenariat avec le théâtre Mogador. Quand je suis allé voir ça, j'ai vraiment été scotché. Ça s'intitule « L'enfant qui criait au loup ». Je vous fais le pitch. Ça se passe dans un pensionnat rigoureux. De jeunes élèves se retrouvent face aux questions et aux doutes que le désir fait naître dans leurs esprits, leur corps, leur cœur. Leur professeur de philosophie, Franz Michalski, s'est donné pour mission de les guider à travers ce parcours sinueux. Voici l'ouverture de cette comédie musicale. Vous allez l'entendre à la sonorité très rock, avec les élèves qui accueillent leur professeur Michalski, incarné par Jacques Price, et on dirait qu'ils le prennent un peu comme leur idole. Ça ne peut que mal finir. Il arrive ! Michalski ! Bonjour, jeunes gens. Michalski ! Préparez vos ménages. Michalski ! Je vous présente mes chers élèves, dont je suis vraiment fier, les guider. Voilà. C'est ma vie, mon métier. Voilà. Yeah. Oh, je suis leur capitaine, mes mots, leur histoire est la mienne. Attends. embarqués tous dans le même bateau. La philo. Professeur de mathématiques est très remonté contre vous. C'est peut-être parce que nous lui avons dit d'arrêter de nous appeler mes petits. Yeah! Comme vous l'avez dit, hors de question de se laisser rabaisser par l'autorité abusive. Yeah! Dans la relation pédagogique, nous sommes vos partenaires et non vos inférieurs. Yeah! Bien dit, Alphonse. Quoi qu'il en soit, il a décidé de vous coller tous chaque soir de la semaine prochaine. Quoi? Jusqu'à l'heure du couvre-feu. Quand on a du règlement pour vous sanctionner injustement. Voilà. Jeunes gens, tenez-vous droit et faites comme moi. Levez votre doigt, tendez votre bras et tournez comme ça. Voilà. Elle est au complet, la première promotion de la classe libre de comédie musicale du cours Florent. Venez me retrouver, Pierre Hunsinger, mais Eva Maton, vous êtes les deux co-auteurs. J'avais demandé aussi qui, par exemple, Nicolas Caplin, qui est un des co-compositeurs. Comment elle est née, cette comédie musicale, Pierre Hunsinger? Elle est née d'un défi qui nous avait été donné pendant les premiers mois de la classe libre, qui consistait à ce que chaque élève écrive une petite pièce musicale pour lui, 5-7 minutes, peut-être à 2-3. Et y a eu une envie de choses collectives. J'ai proposé en fait l'idée de transposer le conte d'Ésope, le garçon qui criait au loup, à notre période actuelle. Ça a séduit assez vite tout le monde. La rencontre d'écriture s'est faite avec Maëva et ça a été formidable. La rencontre de composition s'est faite avec Nicolas. Et elle est née en 3 semaines, montée en 5 jours et voilà. Merci beaucoup, bravo en tout cas. Maintenant j'appelle un autre formateur en diable. Ça fait 32 ans qu'avec le CREA, son centre de création vocale parrainé par Nathalie Dessay, il fait aimer aux jeunes d'Aulnay-sous-Bois la scène, le théâtre, la musique. On peut l'applaudir, Didier Grosjean. Bonjour. D'où vient cette passion, cette rage pour la formation des jeunes au théâtre musical? Je crois que je suis tombé dedans étant tout petit. Déjà, moi, j'aurais aimé tellement dans mon quartier pouvoir trouver une structure qui m'éveille, d'une part, mais qui me construise aussi, parce que je trouve que ça fait partie de la construction complète d'un individu. Et donc, quand j'ai pu avoir l'occasion de transmettre ce genre de choses en tant qu'conseiller pédagogique au départ, mais aussi un directeur de théâtre qui m'a ouvert les portes à Aulnay-sous-Bois. Et ça fait 32 ans, on est à 70 spectacles et 27 commandes d'œuvres qui sont reprises dans toute la France. C'est aussi ça, l'idée, c'est de faire du répertoire, parce qu'on n'a pas une tradition lyrique, entre guillemets, comme du musical pour enfants amateurs. Je dis bien amateurs parce qu'aucun de ces enfants-là n'ont été sélectionnés, auditionnés. Celle qui, cette année, a eu la chance de créer eh bien, une comédie musicale dont nous allons voir un extrait. Il y a de drôles de crânes qui sont derrière moi, qui me font un petit peu peur. Coralie Fayolle, bonjour. Bonjour, Laurent. Alors, c'était quoi la commande, là ? Comment elle est née, cette commande Baba Yaga, inspirée d'un conte russe ? Donc, c'est une commande du Créa directement. Moi, ça fait aussi 30 ans que je connais Didier, que j'ai fait plusieurs créations avec lui, avec l'ensemble. Et donc, l'idée de Baba Yaga, c'est venu principalement de la librettiste qui s'appelle Alissa Landry, qui a donc créé autour de plusieurs contes de Baba Yaga le livret de cette comédie musicale qu'on a montée en octobre. Et après, il faut écrire d'une façon particulière pour que les enfants puissent le chanter ? Ah oui, bien sûr. Il faut écrire... Bah, c'est un grand bonheur d'écrire pour le créer parce qu'ils sont vraiment formidables. Et donc, on s'adapte à l'âge et au niveau de l'année en cours, puisque selon les années, il y en a des plus grands qui s'en vont, des voix qui ont mué, d'autres qui n'ont pas mué. Des promotions plus ou moins efficaces. Et donc, on adapte complètement l'écriture, mais c'est fabuleux. Alors, nous voici dans l'histoire de Baba Yaga. Babette a 13 ans. C'est un conte initiatique, hein, Baba Yaga. Elle a perdu ses meilleurs amis qui ont disparu sous le sort d'un magicien et elle se lance à la recherche de sa grand-mère, Baba Yaga, qui pourra l'aider. Elle est aidée par un poisson d'or parlant, une oiselle de feu, et puis au milieu du bois, elle découvre une toute petite maison élevée sur pattes de poule, entourée de palissades, couronnée de crânes. Elle demande conseil à ces crânes qui vont la guider vers les étoiles. Voici les 36 interprètes du chœur de scène du Créa, c'est-à-dire des enfants âgés de 12 à 17 ans qui n'ont pas été sélectionnés, vous l'avez compris, mais qui sont très bien sous la direction musicale de Didier Grosjean. Baba Yaga sera contente de te voir. C'est-à-dire que... Enfin, il paraît que... Va-t'en. C'est un conseil. Oui, mais c'est ma mère qui m'envoie. Encore une. Oh, la maman des marâtres qui nous envoie leur belle-fille. Qu'elle fasse leur sale boulot elle-même. En même temps, ça nous permet de bien manger. Non, attendez. Je suis là parce que... Enfin, il paraît que... Baba Yaga, c'est ma grand-mère. Non. Bah si. Mais non. Ce n'est pas possible. Mais alors ce sera la fille de... Qu'elle le prouve. Oui. Si tu es vraiment sa petite fille, tu sais ce qu'il faut faire. Mais non, je ne sais pas. Alors, tant pis pour toi. Baba Yaga va se régaler. La Babette qui part, tant pas décidé. Elle connaît bien l'histoire. De nouveau, elle part. garder l'espoir. Je propose maintenant une chanson que vous n'avez jamais entendue, de Michel Legrand. Michel Legrand qui nous a quittés en janvier dernier, ici même l'an dernier nous le fêtions grâce à Marie Aupert qui nous faisait découvrir en avant-première son rôle de peau d'âne. Et ce soir, je vous demande d'applaudir une chanteuse et comédienne américaine venue spécialement de New York sur le plateau de 42e rue, fait son show. Hello, Melissa Errico. Oh, hello. Bonjour, je veux parler en français. Il faut me pardonner. Michel a oublié de m'apprendre le français. Et vous avez un bon accent, you have a good accent. Oui? Oui. Oh, thank God. So. Vous êtes une vedette de Broadway, je le disais. Vous avez joué dans Les Misérables, dans My Fair Lady, dans One Touch of Venus, dans White Christmas, dans Passion de Stephen Sondheim. Et puis vous avez une longue histoire avec Michel Legrand en 2002. Vous incarniez l'héroïne principale de sa seule comédie musicale à Broadway. C'était l'adaptation de son passe-muraille Amour. In 2002, you were in Amour, the only musical by Michel Legrand. And you recorded, vous avez enregistré un album avec lui intitulé Le Grand Affaire, produit par Phil Ramone. Et voilà qu'il sort à nouveau aujourd'hui avec une nouvelle version et surtout un double CD et une chanson inédite. What is this new song que vous allez nous offrir? Pour demain, Michel était ma plus grande inspiration comme mentor, comme musicien, comme personne. Après sa mort, j'ai demandé à Marilyn Bergman s'il existait plus de chansons inconnues qu'ils seraient écrites ensemble. Elle m'a dit que oui. On a écrit une dernière chanson ensemble et personne ne l'a entendue, personne ne l'a chantée. C'est une chanson sur une veuve solitaire qui raconte son mariage et son mari disparu. C'est ça. Alors, on vous laisse aller sur une magnifique chaise haute installé au milieu du studio 104 de Radio France. Cette chanson n'a pas donné son titre. Avec mon superbe accent américain, je vais vous le dire. I haven't thought of this in quite a while. Je ne sais pas, on pourrait traduire ça par « j'y ai pas pensé depuis un certain temps ». Si, ça veut dire ça. Melissa Errico vous fait découvrir cette chanson inédite de Michel Legrand en direct sur France Musique. Quite a while, but I'm reminded when I see your smile. Oh, there we were, and what a pair we were, without a care we were, you and I. Do you remember? what I said that day. In my inimitable quiet way, that we were young with songs unsung, with time for dreams to take us everywhere, to make some lasting memories as we go. Together we will make our life a love affair, and loving every moment of the summer and the snow. We may have made more than a few mistakes, but doesn't everybody, but not like everybody. We overcame them one by one. There's not a day that I don't think how truly blessed we were. Not like the rest we were. We had fun. Elle s'appelle Mélissa Errico. Thank you so much. Merci beaucoup pour ce cadeau. Et cette chanson inédite de Michel Legrand en direct sur France Musique ce soir. Et ce nouvel album que je montre à la caméra si vous êtes sur francemusique.fr, Mélissa Errico, Le Grand Affaire. Vous êtes sur France Musique, c'est la grande soirée de la comédie musicale, la collection 2020 de la comédie musicale. 42e rue fait son show avec la fine fleur de la comédie musicale et je vous promets beaucoup d'émotions. On en a eu une là, ben, celle qui suit n'est pas mal non plus, si je peux me permettre de dire ça comme ça. En fait, on fête aujourd'hui, enfin plus exactement cette année, encore un autre anniversaire. Tout à l'heure, on fêtait avec Luc Plamondon et Sarah Manès et Thomas Joly les 40 ans de Starmania. Mais nous pouvons également fêter cette année les 60 ans de la Mélodie du Bonheur, la comédie musicale dont on connaît surtout le film avec Julie Andrews. Nous avons proposé à Léa Desandré, révélation artiste lyrique aux Victoires de la musique classique, qui est, c'est vrai, plutôt versée généralement dans le répertoire baroque et qui entame cette saison de grands rôles dans le répertoire de l'opéra, eh bien, d'incarner Maria Van Trapp. Alors, bonsoir Léa, bonsoir Maria, je dirais presque. Est-ce que vous pourriez me dire qu'est-ce que vous aimez le plus sur Terre? Raindrops on roses and whiskers on kittens. Bright copper kettles and warm woolen mittens. Brown paper packages tied up with strings. They are a few of my favorite things. Cream-colored ponies and crisp apple strudels. Doorbells and sleigh bells and schnitzel with noodles. Wild geese that fly with the moon on their wings. These are a few of my favorite things. Girls in white dresses with blue satin sashes. Snowflakes that stay on my nose and eyelashes. Silver white winters that melt into springs. These are a few of my favorite things. When the dog bites, when the bee stings, when I'm feeling sad, I simply remember my favorite things. And then I don't feel so bad. On roses and whiskers on kittens, bright copper kettles and warm woolen mittens, brown paper packages tied up with strings. These are a few of my favorite things. Cream colored ponies and crisp apple strudels, doorbells and sleigh bells and schnitzel with noodles, wild geese that fly with the moon on their wings. These are a few of my favorite things. Girls in white dresses with blue satin sashes. Snowflake a stain on my nose and eyelashes. Silver white winter that melt into springs. These are a few of my favorite things. When the dog bites, when the bee stings, when I'm feeling sad, I simply remember my favorite things, and then I don't feel so bad. Bonsoir Léa Desandré. Alors, je vous ai contacté il y a 6 mois, je vous ai dit, Léa, on vous avait reçu, on avait eu la chance de vous recevoir, je crois, il y a 3 ans, parce que vous faisiez partie de l'atelier d'opéra lyrique Opéra Foucault, et vous étiez venu chanter Candide de Léonard Bernstein, et je m'étais dit, bon, essayons de convertir des chanteurs lyriques à la comédie musicale. Et tout de suite, vous m'avez parlé de la Mélodie du Bonheur, mais pourquoi ? Parce que depuis que je suis toute petite, je regarde la Mélodie du Bonheur, Mary Poppins. Mes idoles sont Julie Andrews, premièrement, Audrey Hepburn. Voilà, j'ai grandi avec cette musique. J'ai fait beaucoup de danse aussi, donc tout ça va ensemble. Et quand vous m'avez proposé, je trépignais devant mon ordinateur. Oui, oui, enfin, on me propose la Mélodie du Bonheur. Donc j'étais super heureuse. Vous m'avez dit tout à l'heure aussi, mais vous voulez que je chante en français ou en anglais la Mélodie du Bonheur? On a regardé les paroles en français, C'était un peu kitschou, ouais. Non. On a gardé les paroles en anglais, mais c'est vrai qu'étant petite fille, je le regardais en français. Donc c'est grand bol de crème dont on se pourlèche. C'est un peu, ouais, enfin, on va pas vous les faire, mais voilà. Merci beaucoup, Léa Desandré. Merci à vous. Je vous rassure tout de suite, Léa Desandré ne part pas tout de suite. Vous la retrouverez tout à l'heure dans un autre air de son choix. Surprise. Le meilleur des créations françaises ce soir, dans 42e rue fait son show, des anniversaires, des chansons inédites et puis aussi des classiques de Broadway. Je vous propose maintenant de retrouver à nouveau Marc Nadler. Alors Marc Nadler, vous l'avez compris, il sait faire tout faire. Il sait faire du piano, il sait faire des claquettes, il sait chanter. Il était cet été à l'affiche à Avignon dans le spectacle de Jean-Christophe Born, Gami mon amour, qui est une histoire sur une comédie musicale qui raconte la vie de la première vedette française de Broadway, Gaby Delis. Et il y a interprété notamment cet air chanté par Gaby Delis à Broadway, signé Irving Berlin, I Love Piano. I love a piano, I love a piano, I love to hear somebody play on a piano, a grand piano, it simply carries me away. I know a fine way to treat a Steinway. I love to run my fingers over the keys, ivories with the pedal. I love to meddle not only music from Broadway. I get so excited when I'm invited to hear a long-haired genius play. Saying, keep your fiddle, keep your bow, give me a P-I-A-N-O. Oh, I love to stop right beside an up, right on a high-toned baby grand. As a child, I went wild when the band played. How I ran to the man when his hand swayed. Clarinet was my pet, and a sly trombone I thought was simply divine. But today, when they play, I could hiss them. Every bar is a jar to my system. Yet there's one musical instrument that I call somebody play upon a piano, it carries me away. I love the fine way to treat a Steinway. I love to run my fingers over the keys, the ivories that with the pedal. I love to meddle not only music from Broadway, but I get so excited when I'm invited to hear a genius play. So keep your fiddle, keep your bow, give me a P and I. Avec une première incursion dans le monde du cinéma musical. Rappelez-vous, un film à Hollywood avec un garçon qui rêve de percer dans le jazz, une jeune serveuse qui rêve de percer à Hollywood et qui dansent ensemble sur les collines d'Hollywood. Ça vous dit peut-être quelque chose. Dans La La Land, le film de Damien Chazelle, il y a plusieurs moments magiques ancrés dans la réalité. Des automobilistes coincés dans les bouchons qui sortent de leur voiture et se mettent à danser sur la bretelle d'autoroute. Une danse dans le ciel, dans un observatoire, et puis une audition pour l'héroïne Emma Stone, une audition pour un film, et tout d'un coup, elle se met à chanter qu'elle croit vraiment au Père Noël, The Fools Who Dream. Je vous propose de retrouver à nouveau Sarah Maness avec au piano Thierry Boulanger. My aunt used to live in Paris. I remember she used to come home and she would tell us the stories about being abroad. I remember she told us that she jumped into the river once, barefoot. She smiled, leapt without looking, and tumbled into a Seine. The water was freezing. She spent a month sneezing, but said she would do it again. Here's to the ones who dream, foolish as they may seem. Here's to the hearts that ache. Here's to the mess we make. She captured a feeling, sky with no ceiling, the sunset inside a frame. She lived in her liquor and died with a flicker. I'll always remember the flame. Here's to the ones who dream, foolish as they may seem. Here's to the hearts that ache. Here's to the mess we make. She told me a bit of madness is key to give us new colors to see. Who knows where it will lead us? And that's why they need us. So bring on the rebels, the ripples from pebbles, the painters and poets and plays. And here's to the fools who dream, crazy as they may seem. Here's to the hearts that break. Here's to the mess we make. I trace it all back to them. Her and the snow and listen, smiling through it, she said she'd do it again. Merci Sarah Maness. Ça s'appelle Audition Song, extrait de La La Land. 42e rue fait son show ce soir en direct du studio 104 avec à nouveau une avant-première. Je vous ai promis beaucoup de surprises ce soir. Marie Hopper était présente à notre premier 42e rue fait son show la saison dernière. C'est elle qui incarnait Podane au théâtre Marigny dans l'adaptation sur scène du film de Jacques Demy. Elle sera dans quelques jours à l'Opéra National du Rhin dans Un violon sur le toit, mise en scène par Barikowski. Et puis elle publiera au printemps son tout premier album franco-américain, un mélange de comédie musicale et de chansons françaises enregistrées avec l'Orchestre National de Lille. Elle nous en propose en avant-première un premier extrait en duo avec Mélissa Errico. C'est extrait de l'adaptation sur scène de Mary Poppins, une chanson intitulée « Anything Can Happen ». C'est vraiment le final de Mary Poppins, version sur scène. Vous imaginez tout le monde heureux avec un cerf-volant et une chanson qui exprime le fait que tous les rêves peuvent se réaliser. Au piano, Thierry Boulanger, voici Marie Hopper et Mélissa Errico. Sometimes things are difficult, but you can bet it doesn't have to be so. Changes can be made. You can move a mountain if you use a larger spade. Anything can happen, it's a marvel. You can be a butterfly or just stay larval. Stretch your mind beyond fantastic. Dreams are made of strong elastic. plastic. Take some sound advice and don't forget it. Anything can happen if you let it. Anything can happen if you let it. You won't know a challenge until you've met it. No one does it for you, no one but yourself. Vacillating violets get left upon the shelf. Anything can happen, just imagine. That should be my epitaph. I wear the badge in honor of this world's free thinkers, those who see beyond their blinkers. Jellies and jelly till you set it. Anything can happen if you let it. If you reach for the stars, all you get are the stars. But we've found a whole new spin. If you reach for the heavens, you get the stars thrown in. Anything can happen, raise the curtain. Things you thought impossible will soon seem certain. Though at first it may sound clownish, see the world more upside downish. Turn it on its head, then pirouette it. Anything can happen if you let it. If you reach for the stars, all you get are the stars. But we find a whole. Deuxième rue fait son show. La collection 2020 de la comédie musicale sur France Musique et francemusique.fr. Laurent Vallière en direct du studio 104 de Radio France. Nouvelle avant-première. Cette fois-ci, un spectacle qui va arriver pour la première fois en France, en mars, à l'Opéra de Toulon. Tout à l'heure, on a entendu une œuvre de leur compositeur, La Mélodie du Bonheur. Cette fois, il s'agit d'une œuvre que Richard Rodgers et Oscar Hammerstein ont créée en 1949. Faut imaginer la chose. On est 4 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Donc il faut être juste quand on parle de la Seconde Guerre mondiale, comme ils le font dans cette comédie musicale qui se déroule sur un atoll du Pacifique. On est sur une base, en fait une sorte de colonie sous administration française. sur laquelle eh bien, des soldats américains prennent pied pour aller eh bien, combattre sur le Pacifique. On y trouve une infirmière américaine, un peu tête de linotte et surtout raciste sur les bords, qui tombe amoureuse d'un propriétaire local d'origine française dont elle découvre que les enfants sont colorés parce que voilà, il s'était marié à une Polynésienne. C'est une œuvre où les soldats partent en mission et parfois ne rentrent pas. Et une œuvre où un amour se développe entre ce riche propriétaire français et puis cette tête de linotte américaine. Le rôle du planteur, on parlait un peu de crossover, c'est un peu le thème aujourd'hui de cette soirée, 42e rue fait son show, a été créé par un grand baryton qui a joué au Metropolitan Opera, Enzo Pinza. Cette œuvre s'intitule South Pacific, on ne l'a jamais vue en France. Elle sera créée donc à l'Opéra Toulon en mars. Et voici le moment tendre où le colon français, veuf, qui habite sur cet atoll, invite la jeune infirmière à la nuit tombée pour prendre un verre. Et puis vous voyez un thé, et puis vous voyez l'amour naît. Thierry Boulanger est à la direction de l'orchestre de 42e rue. Enchanted evening, you may see a stranger, you may see a stranger across a crowded room, and somehow you know, even then, that somewhere you'll see her again and again. Some enchanted evening, someone may be laughing. You may hear her laughing across a crowded room at night. Tonight, strange as it seems, the sound of laughter will seem in your dreams. Who can explain it? Who can tell you why? Fools give you reasons. Wise men never try. Some enchanted evening, when you find your true love, when you feel her call you across a crowded room, then fly to her side. And make her your own, or all through your life you may dream all alone. Once you have found her, never let her go. Maxime de Toledo, merci beaucoup. Some Enchanted Evening, extrait de South Pacific, à découvrir à l'Opéra Toulon à partir de mars prochain dans une mise en scène de Olivier Benazech sous la direction musicale de Larry Blank. On a compris tout à l'heure, lorsqu'on a discuté avec Léa Desandré, qu'elle avait plusieurs passions. la mélodie du bonheur, mais on lui a proposé aussi d'interpréter un autre titre, Surprise, et on trouvait que ça faisait très très beau dans une soirée comme celle-ci, 42e rue fait son show, un titre composé par Henri Mancini pour le film de Blake Edwards, Breakfast at Tiffany's. Bon, vous vous rappelez certainement le moment où Audrey Hepburn chante à sa fenêtre, une guitare à la main. Ce soir, c'est Léa Desandré, notre directeur musical Thierry Boulanger, qui nous propose à leur façon Moon River. Thank you. 42e rue fait son show ce soir sur France Musique. On fête aussi la comédie musicale au cinéma. En février prochain, Canal Plus va lever le voile sur une collection de 7 courts-métrages de comédie musicale. Ce sont 7 petits films développés lors de résidences sous l'égide du magazine SoFilm et du Centre National du Cinéma et de l'Image Animée. Un effort pour promouvoir les films de genre et en l'occurrence la comédie musicale. Alors, j'ai eu la chance de voir ces 7 courts-métrages qui seront diffusés à partir de février sur Canal+. Il y a notamment une histoire d'amitié et d'amour qui s'intitule Belle Étoile, avec les musiques de Clément Doumic alias Feu Chatterton. Il y a un court-métrage ancré dans la banlieue en musique rap, et puis aussi, et c'est l'avant-première que nous vous proposons ce soir, le premier film de Barbara Carlotti, inspiré d'un titre de son album 14 ans. Bonsoir Barbara Carlotti, qu'est-ce qui vous a donné envie de faire un film et une comédie musicale comme premier film? Peut-être parce que les premiers spectacles que j'ai vus petite, c'était R, par exemple, au théâtre avec mes parents. C'était Victor Victoria avec une amie aussi à la télévision. Et voilà. Et je pense que mon amour de la chanson et de la musique, il vient aussi, en fait, des films musicaux et de la comédie musicale. Quand vous avez écrit la chanson 14 ans, qui a inspiré donc votre court-métrage, vous en étiez déjà fait dans votre tête un film? Pas du tout. En fait, c'est un souvenir d'adolescence qui m'est revenu comme ça et j'en ai fait une chanson. Et puis quand la chanson a été produite et qu'elle est sortie sur disque, j'ai eu plein de retours de musiciens, notamment Dominica, qui m'ont dit qu'il y avait quelque chose de particulier dans cette chanson et qu'il fallait que je raconte cette histoire. Et moi, je les ai pris à la lettre, donc j'ai commencé à écrire une histoire. Donc en effet, j'avais écrit un long métrage, en fait. Mais j'avais écrit un long métrage comme quelqu'un qui ne sait pas écrire pour le cinéma. C'est-à-dire j'avais écrit une histoire dans laquelle il y avait plein de choses, des chansons, des anecdotes, etc. Et puis quand il y a eu la résidence SoFilm, je me suis dit bon bah je vais envoyer cette proposition. Je savais, mais j'avais déjà fait des chansons, j'avais déjà quand même. En fait, je pense que aussi le moteur pour moi de la comédie musicale, c'était de pouvoir montrer à l'image ma musique. C'était une manière de voilà, c'était une manière de transcrire à l'image aussi la musique que je faisais, parce que la frustration qu'on a quand on est musicien, en tout cas moi, j'avais une frustration. C'était que quand on raconte des choses dans les chansons, ben on les voit jamais apparaître telles qu'on veut les raconter, en fait. Donc et on fait des clips avec des gens qui font très bien des clips et c'est super. Hein, moi j'étais ravie d'avoir fait tous ces clips sur mes chansons et sur mes projets. Mais en fait, je pense que j'avais aussi très envie de pouvoir mettre en scène ce que je racontais dans mes chansons. Alors, eh bien, présentez-nous vos trois adolescentes. Donc, je vous demandais d'accueillir. Donc, elles ont été très courageuses parce que elles avaient jamais chanté. Elles avaient un peu dansé comme ça entre elles. Elles avaient un peu chanté aussi entre elles, mais elles n'étaient pas, des professionnelles. Et c'est aussi ça qui me plaisait. Et donc, je vous présente Jeanne Patronique, Marie-Lou Lopez Benitez et Théoline Lancriette. Merci de les accueillir. Vous pouvez faire signe à votre DJ favori, je pense. J'avais 14 ans et c'était l'été. Je sortais la nuit, je voulais danser. Je sortais en douce, les cheveux crêpés. J'avais 14 ans et j'aimais danser. Je sortais la nuit quand tout le monde dormait. C'était les 80s et on s'amusait. Une heure dans la rue, tu me laisses pas tomber. On était une bande, on allait danser. Ah, toutes les nuits. Ah, toutes les nuits. Ah, toutes les nuits. Et j'ai son corps sur le dance floor. On marchait longtemps, super excité. On faisait du stop sous le ciel étoilé. Et on s'amusait. Une heure dans la rue, tu me laisses pas tomber. On était une bande, on allait danser. Ah, toutes les nuits. Ah, toutes les nuits. Ah, toutes les nuits. Où je suis. doré, t-shirt blanc moulant sous l'ultraviolet. Sur la piste de danse, on fait notre entrée. On a 14 ans et on sait danser. Et les mecs viennent en regardant leurs pieds. Et les mecs viennent danser de très près. On fixe le sourire sous les stroboscopes. Et nos cœurs se frôlent et nos cœurs se heurtent. Barbara Carlotti, et merci à vos trois actrices. On a hâte de découvrir 14 ans, ça sera à partir du mois de janvier sur Canal+, et je crois que la collection sera présentée au Festival du court-métrage de Clermont-Ferrand. R a 50 ans, et j'ai demandé à Fabien Richard de venir chanter cette chanson. Mais vous allez voir, quand c'est Fabien Richard qui interprète R, c'est pas mal non plus, en direct sur France Musique. Le ciel entende, je sais, je suis un génie. Dieu, je crois en toi, et je sais aussi que tu crois en moi, en moi. Oh, picture in Philemon's face. Silence tells me secretly Studio 104, Fabien Richard et la troupe de 42e rue, on va dire ça comme ça, ils sont nombreux autour de lui. Let the sun shine in. 50 ans R en 1969 à Paris au théâtre de la Porte Saint-Martin, mais ce soir 42e rue fait son show, mais à l'honneur aussi les créations. Par exemple, quand Bob Wilson adapte le livre de la jungle au théâtre de la ville. C'est juste merveilleux, avec des chansons de style et de références variées, du hip-hop au folk, de l'opéra au blues, et avec des pépites sur scène. Par exemple, Bagheera est interprétée par Olga Mouak. Fermez les yeux, il faut l'imaginer dans son costume de panthère, avec une longue queue qui traîne derrière. Et elle se met à chanter la complainte de la captivité, puisque rappelez-vous que Bagheera était au départ le jouet des hommes, enfermé dans une cage, qui s'est échappé pour retrouver sa liberté. Alors, imaginez-la en fauve, voici Olga Mouak en direct sur France Musique. From the shadows of long ago, a black flower grows, child of my own hand, none, an empty path to run. Dark water, a motherless daughter, I open my eyes. Butterflies bloom, the life of bloom had I. Mother, mother, where'd you go? You left me all alone, left me to be caged by men, captive in a stranger's land. I roved and I wept, but the darkest secret I kept. Underneath the shadows still be mourned, the good old days, not good at all. But here now am I, the whole soul and free. On voulait faire la place ce soir aussi, dans 42e rue Fait son show, à tous ces spectacles de comédie musicale pour la jeunesse. Il y en a beaucoup actuellement à Paris. Jules Verne, Les Aventures de Tom Sawyer. Et donc actuellement, ils ont, eux, un spectacle qui tourne actuellement en Chine, La Petite Fille aux Allumettes. Il s'appelle Julien Salvia, Ludovic Alexandre Vidal. Et en février prochain, ils vont investir le théâtre Mogador avec une adaptation d'un roman très célèbre de Jules Verne, Le Tour du Monde en 80 jours. On est très touchés qu'ils aient accepté de venir présenter en avant-première sur la 42e rue un premier extrait de cette comédie musicale. À la fois chanter et danser. Voici le moment où Phileas Fogg débarque à San Francisco. Toute la ville l'accueille en grande pompe, notamment le maire de San Francisco, et où néanmoins une certaine Miss Morris va lui mettre des bâtons dans les roues. Voici Phil's Parade, extrait du Tour du Monde en 80 jours à partir de février au Théâtre Mogador. Laissez-moi vous appeler Phil. Je me présente, je suis le maire de cette ville. San Francisco ne parle que de vous, de vos aventures incroyables. Oui, vraiment, ce tour du monde, Phil, il nous rend fou. On va vous aider pour ce pari formidable. En Amérique, tout va plus vite que la lumière. C'est le progrès, et croyez-moi, c'est nous donner. Partout, vous ne verrez que du high-tech et du modernisme à gogo, c'est très beau. C'est certain, on va vous louer le mec. La ville vous a préparé son grand numéro. Et ça dit Phil, Phil, on est là pour vous. Votre aventure autour du monde, vous la faites avec nous. Car ce voyage, c'est un grand défi que vous relèverez avec l'appui des États-Unis. Nos trains sont très rapides, ce sont de vrais colis. Y'a rien de mieux, c'est l'Amérique, ça c'est du solide. Grâce à nous, vous allez tout droit vers la victoire. Croyez-nous, et vous pouvez y croire. Tout le monde vous adore, Phil. Alors, oui, c'est monsieur Bob que rien n'arrête. Pas de chance, oui, mais je suis tout le fait. Dans la pêche, on pourra dire bye-bye aux honneurs et à son argent. C'est comme ça, car Miss Morris s'empare de tout vers l'ail. Elle emporte tout le monde, son petit mari l'attend. Ça vous dirait plus d'investir dans le pétrole. On vous adore, je parie sur vous. Grâce à nous, vous allez faire fortune. C'est ça le rêve américain. Yes, we can. On veut tout vous offrir en mille la lune. Pour la lune, on est dans 80 ans, c'est bien. Et on défile, file, on est là pour vous. Quand vous voguez autour du monde, c'est comme si c'était nous. Et la victoire vous attend, c'est sûr. En Amérique, les figures se riront jamais droit dans le mur. On vous le dit tout haut, merci, thank you, bravo. victoire, c'est Dieu la victoire. Alors priez-vous. On change de style, parce que c'est ça le plaisir. En 42e rue fait son show, la collection 2020 de la comédie musicale sur France Musique, en partenariat avec la Société des auteurs-compositeurs dramatiques. Par exemple, on retourne dans le vivier de l'opérette française. Je pense que le fils de Paul Misraki est dans la salle et je lui dis bonjour s'il est là, Christophe Misraki. Bonjour Christophe. On est ravis, eh bien, d'accueillir ce soir les acteurs, les artistes de l'opéra, de l'atelier lyrique Opéra Foucault, cet atelier lyrique créé par David Stern et qui régulièrement eh bien, fait éclore comme ça des talents lyriques et leur permet de créer eh bien, des spectacles musicaux. En l'occurrence, l'année dernière, David Stern avait imaginé un spectacle qui s'intitulait « From Coast to Coast », c'est-à-dire toutes les comédies musicales qui parlaient des relations entre l'Amérique et la France. Et il avait décidé d'intégrer notamment dedans un extrait de Normandie, l'opérette créée par Paul Misraki en 1936. Voici la mezzo-soprano Annelise Polschlopek, la soprano Juliette Allen, le ténor Marco Angioloni et le baryton Mathieu Valenzik en direct sur France Musique. Pour vous, je fais du zèle. Excusez-nous tout d'abord vraiment de notre audace. Je suis pour vous servir à vous. C'est impossible entre nous que tous deux l'on se passe. Ça fait bien que vous résidez pour nous. Nous sommes effrontés sans doute. Allez-y, on vous écoute. Nous n'avons pas de secret pour vous. Comment fait-on pour être capable de nager le grand lit comme on voudrait? Passion, vous faites des progrès inouïs. Vraiment, j'en suis contente. Les câbles pour vous stopper le tarif réduit. Merci pour mon écoute. Vous êtes vraiment très bien lorsque nous vous dérangez. C'est le genre de la maison. Que voulez-vous que nous vous accordions en échange? Très bien, posez aussi nos questions. À votre tour de répondre. Cherchez pas de nous comprendre. Pour expliquer ce que nous ressentons. Comment dit-on de façon nouvelle que notre cœur est en perdition? Soyez toujours fidèles, ensuite nous verrons. Mais quand ce sont les deux plus belles, comment fait-on pour rester dans le temps? Autre spectacle français que nous apprécions et que nous voulions vous présenter ce soir dans 42e rue fait son show. Ça s'appelle « Quand la guerre sera finie », une œuvre, j'allais dire, sombre et lyrique de Marie-Céline Lachaud et Nicolas Skilbeck. Alors, ça se déroule durant la Seconde Guerre mondiale en 1942 à Paris et à Saint-Dizier, avec 6 personnes qui se retrouvent mêlées au sabotage d'un train allemand. Une pièce avec des collaborateurs, avec des résistants. Et le rêve d'une vie meilleure quand tout sera fini, c'est le thème de ce duo entre deux personnages. L'un s'appelle Étienne, il est résistant, mais sa mère est collabo. Et puis, un duo qu'il entonne avec Lucille, une jeune fille venue de Saint-Dizier qui veut s'engager dans la résistance. Voici Mathilde Hennequin, Sébastiao Saramago et au piano, Jonathan Guavertz. fini, y aura des chansons au bout de la rue. Les lampions de bal, toutes les lumières seront revenues. Tu me serreras très fort dans tes bras, tout comme aujourd'hui. Et on dansera sans plus s'arrêter quand la guerre sera finie. Quand la guerre sera finie, les cloches sonneront à toute volée. Nous irons cueillir des brins de muguet pour le 1er mai. Les oiseaux viendront manger dans nos mains au parc Montsouris. On sera heureux, on n'aura plus peur quand la guerre sera finie. Plus jamais nous ne serons séparés. La guerre sera finie, y aura des chansons au bout de la rue. Marcherons des mains. Les lampions de bal, toutes les lumières seront revenues. Dans les rues de Paris. Tu me serreras très fort pour toi, tout comme aujourd'hui. Je m'emmènerai avec les étoiles toute la vie. Janvier 1997, Michel Legrand et Didier Van Coblard proposaient au Théâtre des Bouffes parisiens, dirigé alors par Jean-Claude Brialy, une adaptation en comédie musicale d'un roman fantastique de Marcel Aimé, Le Passe-Muraille. C'était 9 ans après Trois places pour le 26 de Jacques Demy, le retour de Michel Legrand à la comédie musicale avec sur scène Francis Perrin qui incarnait ce fonctionnaire un peu terne en pleine Seconde Guerre mondiale qui arrivait à traverser les murs et à qui arrivaient des aventures ahurissantes. Par exemple, il se transformait en voleur de bijouterie puisqu'il pouvait traverser les murs. Et il tombait amoureux d'une autre fonctionnaire qui s'appelait Isabelle. Et lorsqu'il tombait amoureux d'elle, évidemment, il ne pouvait plus traverser les murs. Francis Perrin incarnait le fonctionnaire et Isabelle Georges, Isabelle. 5 ans plus tard, eh bien, le spectacle était monté à Broadway. Et je suis tellement heureux de réunir ce soir à France Musique, je vous demande de les applaudir, Isabelle Georges qui a créé en 1997 le rôle d'Isabelle et Mélissa Errico qui, elle, a créé en 2001 ou 2002 Amour. Voilà. Alors, ce qui me fait rire, c'est qu'en fait, vous avez Michel Legrand devait avoir un certain gabarit en tête parce que vous avez à peu près la même taille, hein, Isabelle. Je triche, regarde. Hop, hop. Aussi. Ah, c'est les talons. D'accord. Elle triche aussi. Mais Mélissa aussi. est-ce que les personnages d'Isabelle à Paris et à Broadway étaient les mêmes? Non. Isabelle était très différente. Oui, moi j'étais un petit poussin, j'étais habillée en jaune avec un petit papillon sur la tête. Et Mélissa, par contre, je crois que c'était pas du tout ça. Je portais du marron avec les rayures noires. Ah oui, c'est fondamental dans le costume. J'ai aussi fait une striptease dans la scène du tribunal. Et vous? Ah non, moi j'ai pas fait de striptease. Ah non. Non, j'avais un beau déshabillé rose pâle, rose bonbon déjà sucé, et je faisais un petit pas de deux avec le passe-muraille. Avec Francis Perrin. Did you do a can-can? No, I didn't do a can-can. Ah, vous avez fait you did a can-can on Broadway? Yeah, oui. Bah oui, c'est pour les Américains. For the American, you need to do a can-can. Yeah. And you had also, vous aviez toujours un magazine à la main, mais j'ai pas compris pourquoi. Oh, parce que dans chaque jour, Michel m'écrivait une nouvelle chanson. On a décidé que mon personnage, ma Isabelle, était obsédée avec les magazines pour la lecture, la fantasy, l'évasion, les livres. Les magazines. Mais la vraie raison, c'est que je ne pouvais pas mémoriser les paroles à temps. Je les avais quelquefois seulement 2 heures avant le spectacle. Le magazine voilà. Actuel. Vous l'avez volé? You robbed it? Oui, oui, j'ai volé. Et voici les paroles. Oui, c'est... OK. Tu savais qu'il existe une tradition sur Broadway selon laquelle les actrices principales volent une chose à la dernière. Un costume, un chapeau, un accessoire spécial, des chaussures. Eh bien, j'ai volé mon magazine avec les paroles. Un bon souvenir. Est-ce que les grandes actrices françaises font ça? Non, mais il va peut-être falloir changer la tradition. OK? Alors, ben, j'ai bien envie de vous entendre chanter toutes les deux, je ne sais pas... Ça va être extrêmement émouvant. Isabelle Georges, Mélissa Errico, deux Isabelles réunies sur le plateau de 42e rue. Je vous laisse aller au micro, alors, du coup. Alors... Silver Chevrolet, and where is had a suitor. His beard was turning gray. Imagine the reaction. Dismay. Mother said, be grateful. You're not to make a fuss. Love will happen later. That's how it was for us. Mother said, he's wealthy. Be glad of what you get. Love will happen later. Not yet. Of his own. Me, I have my daydreams until they all come true. Other people's stories will do. Other people's vraiment, grand merci Isabelle Georges, Mélissa et Rico pour ce duo somptueux. Deux chansons extraites du Passe-Muraille de Amour. Merci beaucoup. Merci. Merci Mélissa. Merci, merci. Et comme dirait Stephen Sondheim, old friend, time goes by. Ben voilà, le temps passe si vite, cher ami, qu'on l'a pas vu. On l'a pas vu passer. Et je voudrais, puisque la soirée touche à sa fin, dire un grand merci à tous les artistes qui ont répondu présents ce soir pour cette deuxième grande fête annuelle, 42e rue fait son show. Un grand merci aussi à la Société des auteurs, compositeurs dramatiques qui nous a soutenus durant cette soirée également et avec qui nous sommes en partenariat. Un grand merci à vous, au Studio 104, d'avoir été présents. Et un grand merci chez vous aussi, vous le savez, cette émission a été filmée, vous pouvez la regarder, la podcaster à plaisir quand vous voulez. Merci à tous ceux qui l'ont rendu possible cette soirée. Agnès Bourri, à la mise en scène, qui est très timide, que vous ne verrez pas. Notre directeur musical, Thierry Boulanger. Et merci à toutes les équipes de Radio France, éclairagistes, sonorisation, prise de son vidéo, je vais les citer s'il vous plaît. Vincent Combette, Jean-François Néolier, Jean-Michel Bernot, le directeur du son. Paul Maninowski, musicien metteur en ondes. Fabien Flora, chargé de réalisation. Notre régisseur de salle, Philippe Gons. Sur le plateau, merci aux opérateurs de plateau. Laetitia Delgado, Dofar Guéride, Kevin Delcourt, Nadège Antonini. Merci aux opérateurs de son, Façade et Retour, Romain Lenoir et Jean-Benoît Tétu. Merci à ceux qui étaient derrière les caméras. Dimitri Scapolan, Camille Garin, Morgane Fougery. Merci aux concepteurs Lumière, Vincent Quéneau. Aux Lumières, il y avait ce soir Isabelle Bureau, Julien Mizen. Merci aussi à François Boris, Olivier Lepontois, Maxime Giraud, Marie Bailly. Merci au Parc Instrumental de Radio France, Marie Bailly et Maxime Girard. Merci à Valérie Lavalard. Et alors, ça fait bizarre de dire toutes ces crises de noms, mais voilà, c'est la force de cette maison, c'est que nous avons des talents et des métiers incroyables qui ont permis de faire cette émission en direct. Je le remercie infiniment et je remercie également dans les coulisses Émilie Guiton, Christophe Dillis et la coordinatrice de cette soirée, Martine Moni. On peut l'applaudir, merci. Qui est aussi très timide. J'espère que ça vous a donné envie de plein de spectacles. Il faut aller voir les spectacles avec des acteurs, il faut aller voir des spectacles avec des musiciens. Ça vous a plu? Oui. Non, parce que mon directeur écoute, s'il vous plaît. Est-ce que ça vous a plu? Oui. Marc, si tu m'entends. Entre-temps, à dimanche, 13h, la 42e rue sur France Musique. Et rien de mieux pour terminer cette soirée qu'un numéro cuivré, chanté et dansé. C'est l'hymne de 42e rue. Voici Ananda Setanen. There is a thoroughfare. It's the part of little old New York that runs into Times Square. The crazy quilt that Wall Street Jack built. If you've got a little time to spare, I want to take you there. Come and meet those dancing feet on the avenue I'm taking you to. 42nd Street. savez, c'est une tradition. Oui, il faut les applaudir, mais vous le savez, c'est une tradition. Cette émission ne peut se terminer sans cet homme. La parole revient à Denis D'Arcangelo. Bravo ! Maître, vous êtes prêt ? Ah, j'ai répété toute la semaine. Je suis ému. Il va falloir que vous l'enregistriez un jour, hein, parce que venir tous les dimanches, ça commence à être fatigant. C'est à vous. Rideau ! À réécouter sur francemusique.fr.